France Inter. La chronique blockbuster pour finir, Frédéric Sigrist, avec le film d'animation Super Mario. Vous avez l'occasion de parler de cinéma et de jeux vidéo, vous devez être aux anges. Oh que non Mathilde, ce film a brisé ma famille. En psychanalyse, ce moment où le fils tue le père, on appelle ça le complexe d'Oedipe, chez moi on appelle ça Super Mario. Car mes enfants ont aimé le film Super Mario. Moi pas. Bah c'est pas bien grave si. Mais bien sûr que si, c'est grave Mathilde, c'est grave. Ça veut dire qu'on est plus connecté, ça veut dire que je me France-Interise. J'ai été voir The Fablemans, le dernier Spielberg, un film France-Inter. J'ai adoré. Dans deux semaines, il y a Suzume, le nouveau dessin animé de Makoto Shinkai, un réal que j'aime par-dessus tout. Un film France-Inter. L'autre fois, j'ai entendu Le Masque et la Plume. J'ose même pas le dire. Ils parlaient d'un film. J'étais d'accord avec eux. Ça m'était jamais arrivé. Logiquement, j'ai peu ou prou les mêmes goûts que mes enfants. On joue aux mêmes jeux vidéo. On lit les mêmes mangas. On regarde les mêmes dessins animés. Quand ma compagne dit qu'il y a trop de jouets dans le salon, on est trois à se retourner. On est une team. On est unis comme la NUPES. Non, ça, c'est pas un bon exemple. Logiquement... Il y a quelques mois, quand j'ai vu la première bande-annonce du film Super Mario, que j'ai vu que c'était réalisé par le studio d'animation Illumination à qui on doit Les Mignons, et Moi moche et méchant, vous savez, le film sur Eric Ciotti qui devient gentil. Et ben, j'étais au comble du bonheur. Le petit plombier moustachu à la salopette rouge de Nintendo, le Philippe Martinez du jeu vidéo, c'est une star chez moi. Mario, Freddy Mercury et Magnum, c'est ma sainte trinité de la moustache. De la console NES de Nintendo, en passant par les jeux Game Watch, Game Boy, GameCube, Wii ou Nintendo Switch, avec mes enfants, on a toujours jouer à Mario. Donc là, un film fait par un grand studio d'animation, supervisé par le papa de Mario lui-même, Shigeru Miyamoto. J'étais excité comme Marlène Schiappa au salon du pole dance. En plus, il y a un mois, Nintendo et le studio Illumination ont organisé des avant-premières et les retours étaient dithyrambiques. Link64 dit sur Twitter, je cite, « Super Mario Movie, un vrai banger ». Captain Vegeta dit « Illumination nous délivre une masterclass ». Princess Peach du 91, « Super Mario le film, c'est quoi ce poulet ?» Si vous comprenez pas, c'est normal, parce que tout ça, Mathilde, ça veut dire que le film est vachement bien en jeune. Donc moi et mes mômes, on était hyper confiants. Et puis l'embargo sur les critiques des journalistes cinéma a été levé. Et là, surprise, eux... Ils ont, mais alors, pas aimé du tout. Moi, à ce moment-là, je suis passé en mode mauvaise foi puissance 1000. On aurait dit un ministre du gouvernement qui défend la réforme des retraites. Oh ouais, mais regarde, l'âge des critiques aussi. Encore une élite complètement déconnectée du peuple. Et des vrais joueurs. Hasta siempre, Super Mario. Hasta la vista. Le peuple est de ton côté, Mario. Et j'ai vu le film avec mes enfants mercredi dernier. Et je dois avouer, eh ben, qu'il manque un truc. Le film est certes magnifique, très joliment animé et doublé. Tout ce que vous avez aimé un jour dans l'univers du jeu vidéo Mario est reproduit avec une minutie diabolique dans le film. Mario, il court, il bondit, il casse des briques avec sa tête. Luigi, son frère, est toujours un mélange paradoxal de peur et de bravoure. La princesse Peach post-MeToo est exemplaire de charisme et n'attend personne pour être sauvée. Bowser est méchant à souhait. Il y a Donkey Kong, les cartes, les Koopas, ce que tu veux. Bref, l'univers des jeux est respecté à la lettre. Bah donc quel est le problème ? Ben, si le film se contente d'enfiler les séquences du jeu, pourquoi faire un film ? Où est ce supplément d'âme qui justifie l'adaptation ? D'autant que, à l'intérieur de cet objet, il y a un film qui existe. Le cœur de l'histoire est la relation qui existe entre Mario et Luigi depuis leur enfance. Mais ils passent quasiment tout le film séparés l'un de l'autre. On nous fait découvrir la famille de Mario, enfin ! Mais on les abandonne dès le début pour ne montrer ensuite aux spectateurs que des séquences qu'ils seront ravis de retrouver parce qu'ils les ont déjà jouées sur une console ou sur une autre. Un mystère est soulevé sur l'origine de la princesse Peach, mais pas le temps, on verra ça plus tard. Super Mario le film est pour moi un formidable clip d'1h20, brillamment réalisé, qui entre dans l'univers de Mario comme on rentre dans un musée, avec des patinettes, on regarde, mais attention, on touche à rien. Mes enfants ont aimé le film, et bien moi, j'aurais aimé en voir un. Frédéric Sigrist.